be home? No idea. Okay, thanks a lot. A soul hard to reach. Le beau bizarre. Participation à une nouvelle culture radiophonique. M'entends ? Et là-haut, c'est ça. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre. Salut Alex et salut Fabrice. Salut. On va vous proposer aujourd'hui une émission sur un pays qui peut-être dans quelques années n'existera plus. Donc on s'est dit qu'il était peut-être temps de l'évoquer avant qu'il ne se désintègre. Il s'agit du plat pays, la Belgique. Et pour cela, bon, écoutez, on s'est attelé à la tâche et on a réussi à faire une programmation qui nous paraît assez diverse, variée et représentative de ce que la Belgique peut proposer. Bon, évidemment, on a évité quand même les incontournables style Jacques Brel. Et, bon, je pense que vous avez l'occasion de les écouter par ailleurs. Donc, oui. Ça sera un peu plus pointu pour le coup. D'ailleurs, je crois qu'on va. Oui, ah voilà, on va commencer en francophonie, enfin en Wallonie. Hein, Oui, plutôt, on va commencer par un passage francophone. Voilà. Mais n'y voyez pas d'orientation politique. Non, mais pas du tout. On ne prend pas position entre les Flamands et les Wallons. Ouais. Alors, on va commencer effectivement avec Guy Clairbois, sous le nom de Victor Hublot. Alors, au départ, c'était Victor Hublot, mais suite à une coquille sur une affiche de concert qui avait enlevé le C, ils ont finalement trouvé ça très rigolo de s'appeler Victor Hublot. Donc c'est une formation one man band créée au milieu des années 80 qui a sorti un album officiel et puis ensuite récemment toute une série de CD singles qui sont téléchargeables. Le dernier étant J'aime pas le rock. Voilà, alors ce qui se défend complètement, et d'ailleurs on va voir qu'effectivement le titre qui va passer qu'on va passer là n'est pas un morceau de rock, c'est une sorte de chanson un petit peu paillarde, électropop avec des sons assez froids. C'était sorti en 1986 et le titre c'est J'ai perdu mon oiseau. J'ai perdu mon oiseau, ne l'avez-vous pas trouvé? En dessous que je vois mesdames, n'y est-il pas allé? Rendez-le-moi, mesdames, si vous l'avez. Je vais vous dire, mesdames, comment il est marqué. C'est un petit oiseau qui vole de tous côtés. We'll be right back.

Je tiens une bière et j'aimerais bien avoir l'air fier. Voilà, ça c'est un petit portrait en miniature peut-être de la Belgique. De la Belgique, c'est possible. En tout cas, les auteurs du texte et de la musique sont belges. Il s'agit du groupe collectif Quiet Stars, qui n'a sorti à ce jour aucun album à ma connaissance, mais qu'on peut entendre sur Internet et sur MySpace. C'est là que je les ai dénichés. Je vous recommande leur playlist, tout est bien. C'est un groupe amoureux des bons tant pis, comme on a pu l'entendre, et aussi de Bossa Nova, comme on l'a moins entendu sur ce morceau, mais ils en ont fait quelques-uns qui sont assez corrects. Et ils s'inscrivent d'une certaine manière dans une forme de musicalité belge et de continuité culturelle belge, puisque la Belgique n'est pas un pays mais un continent. Voilà, c'est un pays en fait qui est très ouvert. C'est un petit pays et qui du coup est très ouvert sur l'extérieur. Comme en témoigne d'ailleurs la production des personnes que nous allons écouter maintenant. Ouais. Dont un certain Mark Hollander, qui est un des deux fondateurs du groupe Aksak Maboul, qui fait aussi partie des Honeymoon Killers et qui est aussi un des patrons avec Vincent Kenis du label Cramed Disc. Cramed Disc est une bonne illustration de cette ouverture culturelle de la Belgique. Tout à fait. Puisqu'il se passe, ils ont produit des musiciens belges, évidemment. Oui, beaucoup de musique du monde. Mais aussi. De musique du monde, et quand on dit du monde, ça va de l'Afrique à l'Amérique du Sud, en passant par le Moyen-Orient. Enfin, c'est vraiment très. C'est une palette très très large. Ils ont produit un des groupes américains les plus importants. Ah, Tux de Moon. Oui, de la musique. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est aussi un pays qui s'est, comme tu dis, ouvert aux autres pays et qui en plus a permis à certains artistes de s'exprimer. Tout à fait. Et c'est aussi un pays de, c'est aussi un pays de label. Alors là, on n'aura pas le temps, mais il faut signaler aussi qu'il y a eu Sub Rosa à une époque. Qui a aussi produit beaucoup de musique anglo-saxonne, grande qualité, des disques du Crépuscule. Et pour nos éditeurs les plus curieux, on peut leur signaler les dignes successeurs de ces labels qui sont un peu connus. Par exemple, Slow Tapes, on entendra tout à l'heure un poète américain. Ça, c'est plutôt de la musique, ils sont plutôt spécialisés dans la musique psychédélique. Il y a aussi le label belge Ultra Eczema. Alors lui, c'est plutôt les musiques alternatives. Ils ont une esthétique très punk. Et puis il y a un label qui s'appelle aussi Crack. C'est assez inclassable. Hein, donc je me risquerai pas à mettre une épithète sur le style de musique qu'ils peuvent produire. Et voilà, je vais un peu raccourcir. Donc on va écouter Mark Hollander. Qui s'est associé pour l'occasion avec Véronique Vincent et surtout le Tech Nine. Et on va écouter un morceau torride, Sweet Dreams and Good Night. l'égoïsme, sa mauvaise foi. Small house, I chase my dreams with a black umbrella. nothing can stop my sobbing. All hail me and I'll start rubbing in the mood for nothing can stop my sobbing. All hail me and I'll start rubbing my soul. Avec le titre All Hail Me. Alors très peu d'informations sur ce compositeur-interprète, si ce n'est que j'ai trouvé qu'il était né à Gand, il est originaire de Gand, voilà, donc pour le côté flamand, puisqu'on a, on a changé donc de... Nous ne sommes plus en Wallonie, là. Oui, mais bon, ils ne chantent pas pour autant en flamand. Enfin, ils ne chantent pas pour autant en flamand, ils chantent en anglais. Parce que les flamands, souvent, chantent en anglais. Non, mais dans les artistes, autant les francophones. Tout à fait, oui. Ah bah oui, Arnaud, bon, mais enfin, Arnaud, par exemple, fait les deux. L'identité flamande ne se manifeste pas souvent par par le français. Non, mais ou le côté flamand. Par le flamand, c'est vrai. Pas vraiment. Enfin, moi, j'ai rarement écouté des musiciens qui chantaient en flamand. Je crois pas en avoir écouté non plus. Non. Il faut aller sur les petits labels alternatifs dont je peut-être, dont je peut-être dans les labels dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a quelques c'est possible. Chansons... en irlandais. Et donc voilà, Biak, l'album s'appelait Turn Loose the Idiot, c'est le seul disque qu'il ait fait a priori, sorti sur le label allemand Normal, au milieu des années 90, hein, c'était en 95. Bon, après on peut parler un petit peu du label Normal, qui était à ce moment-là un label assez, justement, assez ouvert aussi, hein, qui accueillait aussi bien des artistes australiens comme Hugo Reis, que des groupes, disons, de Cold Wave allemande, je pense à Kastriert Philosophen, par exemple, hein, des choses comme ça. Et puis ce Biak, qui est un disque assez éclaté, des morceaux assez proches du bec du début, très lofi, et puis, effectivement, parfois, un petit côté du Xodomoon, quand même un côté belge, oui, on pensait à Deus aussi tout à l'heure, on disait, voilà. Et là, je crois qu'on va passer, on va retourner un petit peu chez nos amis wallons et pour une facette assez importante de la musique belge du début des années 80, on va dire, wallon, des années 80. C'est, mais c'est pas wallon puisque dans Front de 82, il y a aussi des flamands. C'est vrai. C'est un groupe qui mélangeait les deux. Ouais. Un vrai groupe belge. L'Union belge. D'autant plus qu'effectivement, c'est quand même Front de 82 le groupe le plus emblématique de la musique électronique belge. Et on sait que la Belgique a joué un rôle très important dans les années 80 et 90 dans ce genre musical. Donc une électro plutôt dansante, mais avec des rythmes martiaux, soutenus par des samples issus de la télévision et puis une imagerie paramilitaire qui leur a poser quelques problèmes, soucis, ou en tout cas, bon, quelques polémiques dont ils ont su aussi profiter, il faut bien le dire. Alors, Front de 82 a forgé un néologisme pour décrire son travail, hein, l'électronique body music, qui a pris son essor à la fin des années 80, bon, qui n'a pas fait florès quand même par la suite. Mais enfin, Front de 82, c'est quand même un des rares groupes belges à avoir eu une influence notable sur la scène internationale, puisque des artistes aussi divers que U2, Nine Inch Nails, ou même Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, ont fait référence à ce groupe comme une influence notable. On va écouter un morceau qui s'intitule Gripped by Fear, qui est sorti sur un EP qui, lui, a pour titre Mixed by Fear. Voici Front de 82. Thank you. Oui, presque une citation de Hamburger Lady de Shobin Grissel. Voilà, hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Très TG quand même. Très TG. Alors, pour une des incarnations très sombres de la veine électronique body music évoquée Cédric tout à l'heure, c'était The Clinic, un groupe d'Antwerp formé en 1985 par Mark Verheyen et Dirk Evans sur les cendres de leur précédent projet Absolute Body Control, qui était peut-être un peu plus dansant. Donc Clinic, c'est 5-6 albums jusqu'au milieu des années 90, et puis une séparation d'à peu près 10 ans. Et c'est sous la pression des fans que le groupe va se reformer en 2003 pour une série de concerts en Belgique et en Allemagne. Et depuis, Dirk Evans continue lui une carrière solo sous le nom de Dive. Voilà, dire qu'il y a eu toute une série de rééditions justement de cliniques là depuis un ou deux ans. Donc tous les albums agrémentés de bonus, chaudement recommandés quoi. Bon, alors, je sais pas si ça va être très chaud, mais en tout cas on va continuer dans cette veine sombre avec maintenant Psychonauts. Alors Psychonauts, on va vous faire écouter deux morceaux de l'album Alchemy, qui est sorti sur le label Reload Ambient. C'est un label belge minuscule, hein, qui n'a existé que de 1995 à 1997, qui a été bâti sur les braises ardentes du mouvement New Beat, lui aussi donc belge. Alors le but de Reload Ambient, c'était d'héberger les artistes qui voulaient faire de l'ambiante, mais de l'ambiante sombre. Hein. C'est vrai que les Belges, ils aiment bien quand même les ambiances plutôt sombres. Ouais. Alors derrière Psychonauts se cache le Belge Acid Kirk, qui propose sur Alchemy une sorte de voyage dans des paysages psychotropes. Et on va écouter les deux premiers morceaux d'Alchemy, qui s'intitulent, le titre assez évocateur, Forbidden Planet et Et Molybdenum, voici Psychonauts. Thank you. Kowalski and Leon. Engineer waste disposal. File section. New employee. 6 days. Irreparably dark. Irreparably dark. The boy was an old cat, and the girl was a clever mouse. It didn't matter where they went, in whichever house. Motel, suitcases and rental cars. Photos and empty bottles, memories and mental scars. Raising hacks, surveying damages, appraising wrecks. Long nights and fights that ended with amazing sex. Moments that were equally quiet and uproarious. Frequently slow dancing in the kitchen, it was glorious. Unknowns, they broke each other's bones and built campfires. They jumped out of windows and lived like vampires. They bathed in the same water, same anguish. They spoke bad French but laughed in the same language. The boy was an old cat and the girl was a clever mouse. Unswimmable waters and flames they could never douse. One minute they were millionaires, the next they'd be the poorest. What he liked about her was that she could see the forest. Steering clear of some troubles, averting wrongs. They drew curtains and died together over certain songs. Opposites, theirs was a friendship of the rare sort. They'd steal books and talk dirty at the airport. Evangelists amongst themselves, it was scandalous. Company was kept by Joan of Los Angeles. Diamonds and crying eyes, short tempers and fast drives. Promises and unsolved mysteries of past lives. Will you recognize? And I can't help but wonder, will you recognize my face? I hope so. Here it's perfectly dark. And I can't help but wonder, will you recognize my face? I hope so. Here it's perfectly dark. Here it's perfectly dark. Here it's perfectly dark. Here it's perfectly dark. The girl was a clever mouse, the boy was an old cat. Diamonds are forever, but they were never told that. He'd lay there beside her, awake for safekeeping, while she'd ask questions to the river while she was sleeping. And who by accident? The emptiness had grown quick. She stood on his shoulders, but for heaven he was homesick. Long before the end came, he already missed her. She went slowly out of focus, and he died without a whisper. And I can't help but wonder, will you recognize my face? I hope so. It's perfectly dark. And I can't help but wonder, will you recognize my face? I hope so. Cause here is perfectly dark. Bike 43, le morceau Lazarus Phenomenon sur l'album More Heart Than Brain. Derrière Bike 43 se cache Buck 65 avec la musicienne belge Greetings from Tuscan, qui est originaire de Bruxelles. C'est un duo qui a fait ses premières armes par PC interposé courant 2006, de l'électro-hip-hop de bon aloi, où on peut dire quand même que le résultat que l'on doit, enfin ce résultat qu'on entend là, on doit quand même avant tout aux qualités de productrice de Greetings from Tuscan. Alors on n'a pas trop le temps, donc on va enchaîner très rapidement avec un peu de poésie, Fabrice. Oui, un peu de poésie, poésie américaine avec un auteur qui s'appelle Daniel Abdal Aï Moore et qui se retrouve sur un label belge, donc le label Slow Tapes, qui est plutôt versé dans les musiques teintées de psychédélisme. Et donc là, c'est un morceau, c'est un poème de cet auteur qui a écrit des poèmes dans les années 60 et puis qui s'est converti au sufisme et qui a un peu laissé tomber la poésie et puis qui est revenu finalement à la poésie récemment. Et donc là, on va écouter un poème The Ecstatic Exchange où il s'accompagne tout seul avec un petit instrument. Voilà, Daniel Moore. Et c'est là-dessus, je crois, qu'on va terminer l'émission. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous. The place of all possible darkness, all possible light. A hole the size of a pupil opens out in a spiral. Oh, fanning out. Let us go through it into the wood that bares its teeth and roars silent down the narrow path of deeper insight. Hold a lighted match our guide will try to extinguish, and let it be extinguished. Naked feet scratched over edges of broken bottles, nails, wing feathers, and our muscles will be oars when we reach the Phosphorus River. Do not say yes or no. There is neither darkness nor light where we give ourselves up to destiny by striding forth, the palms of ourselves turned outward, a drop of clear blood forming in the crease. We shall eat dust. You will arch your throat and say they are grapes, for they shall be grapes. Oh, the lid will be sharply nailed down on us, and we will feel a plunge and bubbles leaving our lips, and you will say we are dead, that something has glued your eyelids together, that something is moving a heavy body around in your brain. We shall be dead. Our eyes no longer of use. And a hole the size of a pupil will open out. We will go through it into the wood, up the steep path, holding a lighted match that is extinguished.